Merci de rester fidèle à la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal. Et donc, voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement du Burundi, par le biais du ministre de la Solidarité nationale et des droits de l'homme, dit avoir déjà réintégré plus de 1500 enfants de la rue dans leurs familles respectives. Déclaration du ministre néerlandais à la veille de la journée mondiale de l'enfant africain. La destruction progressive des berges construites pour protéger les bordures de la rivière d'Ogasséigné s'observe et les habitants de Gahahé en commune Mutimbuzi déplorent un travail mal fait. Et le reportage du jour nous conduira en Suisse où les hommes exercent le métier de sage-femme, un métier qui était jadis réservé aux femmes. Vestine Boutoyi nous en dira plus dans ce journal et de la mise en onde est assurée par Eli Kadok. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le gouvernement du Burundi fait tout pour réintégrer les enfants en situation de rue. Déclaration du ministre des Droits de l'Homme et de la Solidarité nationale au moment où le monde va célébrer ce dimanche 16 juin la journée de l'enfant africain. Le ministre Nives Abandi ajoute que dans la mise en application de la politique nationale de réintégration sociale, le gouvernement a déjà réintégré plus de 3000 enfants de la rue. On l'écoute. La célébration de cette journée intervient au moment où le Burundi déploie beaucoup d'efforts pour assurer le plein respect des droits de l'enfant. Il y a lieu de citer entre autres la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement de réinsérer les enfants en situation de rue au niveau de leur famille et de leur communauté. Depuis la mise en œuvre de la dite stratégie à ce jour, plus de 3500 enfants ont été réunifiés avec leurs familles. Le deuxième exemple est la campagne nationale en cours de lutte contre la négligence à l'égard des enfants, lancée officiellement au mois de novembre 2017. Cette campagne aura le mérite de relever le défi de la lutte contre la négligence au niveau de l'hygiène, au niveau de l'éducation, de l'alimentation, des soins de santé et bien d'autres aspects. Une sensibilisation pour l'engagement en faveur des droits des enfants a été menée. Ici, nous saluons l'engagement pris par les administrateurs communaux de relever la rubrique d'appui destinée aux vulnérables lors des planifications budgétaires. À côté de cette stratégie et engagement, le gouvernement a institué une journée dédiée à la solidarité locale, dernier samedi du mois de juillet, ce qui va contribuer à une nette amélioration de la situation de l'enfant en général et des enfants vulnérables en particulier. Par ailleurs, la politique nationale de protection de l'enfant actualisée sera bientôt soumise à l'instance habilitée pour son adoption. Il en est de même du code de protection de l'enfant. Le gouvernement réaffirme sa détermination pour assurer la pleine protection de tous les enfants et à soutenir les familles vulnérables. Et dans notre pays, les festivités auront lieu le 18 juin 2019 et se dérouleront en zone boutelée de la mairie de Bujumbura. C'était le ministre Martin Nizabandi de Ferrabéton, constituant le lit de la rivière Gassaigne, dont les berges ont été construites en vue de protéger les riverains, ont été déterrés par le courant de cette rivière côté Gaé de la commune Moutimbouzi. La population sur place dénonce un travail mal fait. Du gravier mêlé de boue et de sable se sont entassés à une hauteur de plus de mètres, à quelques mètres du bassin d'écrêtement construit sur cette colline Gaé. Les habitants demandent aux services habilités de suivre de près l'exécution de ces travaux. Reportage de Francine de Kougaï. Nous sommes sur la rivière Gassaigne. On y trouve des gens qui effectuent des travaux d'extraction du gravier et du sable sur une longueur d'environ 20 mètres du pont construit sur la route séparant les quartiers Tchadama de la zone urbaine de Kinama et la colline Gare de la zone Lubidizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Dans la rue de cette rivière, dont les berges et le lit ont été construits en vue de protéger les riverains des inondations, s'observent des graviers mêlés de la boue et du sable à environ 1,30 m de hauteur. À quelques mètres de là, les fers à béton constitués à le lit de cette rivière ont été déterrés du béton par le courant d'eau, ce qui inquiète les populations environnantes qui craignent le pire. Au moment où les travaux de construction de cette rivière ont pris fin en août dernier, cet habitant demande qu'il y ait des travaux de réhabilitation afin d'éviter le cauchemar des années dernières. Si cet endroit n'est pas réhabilité, il y a risque de dégâts énormes car dans le passé, il y a eu beaucoup de dégâts, des gens qui ont été emportés en grand nombre et ils sont morts. Des maisons ont été détruites, des gens qui n'ont pas de moyens sont devenus des véritables sinistrés. Pour toutes raisons, il faut qu'il y ait des travaux dans l'urgence pour qu'au début de la saison pluvieuse du mois de septembre, Kishari, avec elle d'énormes pierres, ne cause pas une autre désolation. Emmanuel Ndagijimana, de son côté, craint pour les habitants proches du bassin d'écrêtement. Les conséquences sont énormes. Qu'on amène des gens qui fassent des travaux dans l'immédiat. S'il y paie une seule fois, la rivière va déborder. S'il n'y en a pas de travaux d'occulage, ceux qui habitent en aval seront gravement inondés. Ceux qui font l'extraction des matériaux de construction sur cette partie de la colline Gahare font savoir qu'ils paient 5000 francs bout par camion plein du matériel extrait et demandent que cet argent soit utilisé dans les travaux d'entretien de la rivière Gassaigne. Merci à Francine Ndokougaï pour tous ces détails. Les travaux de stabilisation des berges de la rivière Gassaigne ont été effectués dans le cadre d'interventions d'urgence. Pour que ces travaux soient durables, il y a nécessité de travaux en amont de la dite rivière en vue de l'empêcher de charrier avec d'énormes pierres qui détruisent les constructions faites dans le cadre de prévenir les inondations des quartiers Gaé et Tcharama. La directrice générale de la boutique reconnaît les inquiétudes soulevées par les habitants de Tcharama et de Gassaigne. Docteur Catherine Bouchoumi fait savoir que les moyens pour réhabiliter les sites détruits ont été mobilisés et que les travaux sont en cours. Je vous propose de l'écouter. L'endroit que vous avez vu, avec des fers à béton apparents, ça va être réparé. D'ici à la fin du mois, ça va être réparé parce que l'entreprise qui travaille là a reçu des fonds pour les réparations et a d'ailleurs déjà commencé à faire ces réparations. Donc d'ici le 30, tout le lit de la rivière sera réparé et donc la population n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Ces travaux qui sont en train d'être faits, ce sont des travaux qui sont faits pour dealer longtemps et qui peuvent attendre la population par rapport à l'exécution des travaux. De manière générale, d'après nos entretiens avec la population de Tcharama et des quartiers à Naval, cette population est très très contente des travaux qui ont été faits et parce que pour la première fois depuis très longtemps, le quartier de Tcharama n'a pas connu d'inondation. Vous avez vu toute la boue, toutes les pierres et tout ce qui descendait de Gassaigne se sont posés dans le bassin d'écrêtement qui a été construit et dans le cadre du projet. Cela a été très très apprécié par la population. Et maintenant, concernant les canalisations, il y a deux facteurs qui vont permettre la pérennisation. Le premier facteur, c'est les travaux qui devraient se faire en amont de la rivière Gassegni, qui sont des travaux d'ampleur, qui doivent vraiment faire pour stabiliser les talus, également travailler dans le fond de la rivière pour éviter ces phénomènes de charriage. Nous sommes en train de faire des travaux provisoires qui vont tenir peut-être deux saisons, mais il faudra, pour pérenniser le travail qui a été fait en aval, il faudra travailler sur la rivière Gassegni en amont. Sans ce travail, les travaux qui ont été faits ne peuvent pas être pérennisés. Le deuxième facteur de pérennisation, c'est l'entretien. Voilà, c'était la directrice générale de la POTIP au micro de mon confrère Charles Macotte. Une courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation à présent, l'école fondamentale de Mukubano dans la commune Nyanzalake fait face aux différents défis dont le manque criant de bancs pupitres, les fenêtres et portes non encore fermées, les salles de classe non cimentées. Le directeur de cette école demande à l'État, aux bienfaiteurs, une assistance d'urgence au niveau de la DCI Nyanzalake. L'on dit être au courant de cette situation et l'on dit que cette école figure parmi celles qui seront assistées en premier lieu. Les détails avec Jérôme Akizimane. À cette école fondamentale Mukubano, les élèves s'assoient à quatre suite au manque criant des bancs pupitres qui s'y observent. Presque toutes les salles de classe ne sont pas cimentées, d'où la présence de poussière par terre dans ces dernières. De plus, les élèves qui s'assoient proche des fenêtres ou des portes sont touchés en cas d'extrême vent ou pluie, car les fenêtres et les portes ne sont pas encore mises. Alors que l'année scolaire en cours va bientôt prendre fin, Nilanyibagira Alexandre, le directeur de cette école fondamentale, demande à l'État et aux autres qui le peuvent une assistance éventuelle des portes, le ciment, les bancs pupitres pour bien se préparer pour l'année scolaire prochaine. La direction communale de Nyanzalake dit être au courant de tous ces défis auxquels fait face cette école et ajoute qu'elle a déjà soumis le rapport relatif à ses supérieurs. Toutefois, Ernest Chiza, qui en est le directeur, promet qu'au cas où l'occasion se présenterait, cette école figure parmi celles qui seront assistées en premier lieu, soulignant qu'elle n'est pas la seule étant dans telles circonstances dans cette commune. Cette école fondamentale Mukubano, se trouvant dans la zone Muyange, commune Nyanzalake, totalise 10 ans depuis son commencement. Jérôme Hakizimana depuis Nyanzalake, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Le métier de sage-femme n'est pas réservé aux femmes seulement, même les hommes peuvent l'exercer selon Lucas Navarro, sage-femme à l'hôpital Neuchâtelois de Pourtalès en Suisse. Il explique qu'il lui était difficile dans les premiers temps car beaucoup de gens n'imaginaient pas qu'un homme pouvait être sage-femme. Claudine Stahili, représentante du collectif Neuchâtelois pour la grève des femmes du 14 juin, fait savoir que quand un homme se retrouve dans des métiers qualifiés de féminité, ça pourra amener des changements. Festine Boutoyi s'est rendue en Suisse, son reportage. Il y en a qui vont rester bloqués sur le mot sage-femme, c'est femme, donc c'est pour les femmes, mais honnêtement, voilà, généralement ça se passe bien. Cette voix est celle de Lucas Navarro, sage-femme à l'hôpital Neuchâtelois de Pourtalès, en Suisse, rencontrée sur place. Il nous a déclaré que sa seule motivation de devenir sage-femme était de s'intéresser à la vie humaine. J'étais allé en médecine à la base parce que j'étais intéressé par tout ce qui était science naturelle, et je suis allé sur sage-femme parce que j'avais envie d'un métier qui était plutôt tourné vers la vie, vers la naissance, que sur la maladie et la mort en tant que médecin. Cependant, Lucas Navarro indique que pendant les premiers temps, son métier semblait pénible, car il y avait des incompréhensions sur le fait que l'homme puisse devenir sage-femme. C'est un petit peu, on va dire, gênant de se positionner en tant qu'homme et aussi en tant que futur praticien, vraiment toute nue. Et puis les premières fois, c'est un petit peu gênant, on va dire. Puis après, on est vraiment sur le côté professionnel et puis on oublie complètement ce lien qu'il peut y avoir. Enfin... Actuellement, il affirme qu'il n'a plus du mal à faire son métier et que tout se passe bien. Virginie Texera, une des femmes qui venait d'être accouchée par Lucas Navarro, témoigne qu'il n'y a pas de différence entre une femme sage-femme et un homme sage-femme, étant donné que tous font leur métier convenablement. Il n'y a aucune différence. Franchement, ils sont très gentils, tous, tant les femmes comme les hommes. Il m'a très bien accueillie, très gentil. Il a toujours demandé si ça allait. Il a toujours su me garder calme aussi. C'est très bien. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi. Et ça s'est très bien passé, vraiment. Claudine Estueli, représentante du collectif Neuchâtelois pour la grève des femmes du 14 juin, conclut que quand un homme est en train d'exercer des métiers qui paraissaient réservés aux femmes, cela apporte absolument une amélioration. Qu'ils sont bien braves parce qu'il faut vraiment du courage, comme l'inverse d'ailleurs. Ils ont raison, ils vont découvrir des superbes métiers que les femmes aiment beaucoup exercer à juste titre, mais le partage est toujours meilleur. Et puisqu'on n'a pas tout à fait la même manière de regarder, quand il y a beaucoup d'hommes qui deviennent infirmiers et qui échange avec des infirmières, il y a une amélioration globale de la profession. Lucas Navarro, sage-femme à l'hôpital Neuchâtelois de Pourtalès, interpelle tout être humain à changer la mentalité et à accepter que n'importe quel genre peut exercer n'importe quel métier. Je leur dirais que je trouve ça un peu bête de rester focalisé sur un sexe, comme c'est bête de se focaliser sur une nationalité ou une origine pour dire que bah, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. Je pense qu'on est des individus uniques, on a chacun nos particularités, nos qualités, et puis faut accepter vraiment justement cette originalité, puis le fait qu'il y a certaines femmes qui ont envie de faire des métiers, puis des hommes d'autres métiers. Claudine Estelli épouse cet avis et demande à ceux qui croient qu'il y a toujours des métiers relatifs à une telle catégorie de personnes d'enlever ces stéréotypes obsolètes et de croire au changement de mentalité. C'est sur ce reportage de Vestine Boutoui que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Elie Kadog pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzukubanyanga. Bonne soirée et bonne nuit chez vous. Au revoir. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Intolérance politique, Covadis. Où vas-tu en français ? S'interroge le journal Iwachu, dont les reporters ont sillonné plusieurs communes du nord du pays, surtout à Kirundo, pour constater que dans les communes Nega, Busoni, Bugabira, les militants, surtout les jeunes du parti au pouvoir et ceux du Congrès national pour la liberté, se regardent en chien de faïence. Ce journal rappelle qu'il a interpellé dans ses précédentes éditions les décideurs, gouvernement, police, administration, justice, à jouer leur rôle pour arrêter cet engrenage de violence. Iwachu fait remarquer que les violences post-électorales qui ont endeuillé notre pays trouvaient leurs origines en amont, c'est-à-dire la mauvaise gestion de la période précédant les scrutins. Comme arbitre, le moment est crucial pour la CENI de jouer pleinement son rôle, définir les règles du jeu, d'éducation civique à la démocratie, à la paix et à la non-violence électorale. C'est aussi le moment d'instaurer la confiance entre toutes les parties prenantes pour l'établissement des règles de la compétition, autrement dit, un cadre juridique et légal qui garantit l'intégrité et la crédibilité du processus électoral, conclut notre confrère. Burundi Eco fait un zoom sur l'agro-industrie à l'occasion du deuxième salon industriel organisé par l'Association des industriels du Burundi. Malgré l'existence des unités de transformation artisanale ou semi-industrielles de vivres, notamment la fabrication des jus, des nectars, des confitures, des vins, des fromages, de l'huile de palme, etc., ce journal fait remarquer que la transformation reste encore en défi et que certaines unités de transformation ne respectent pas les normes universellement reconnues, ce qui fait que la commercialisation de leurs produits se fait seulement au niveau local, alors qu'ils pouvaient contribuer énormément à la diversification des produits d'exportation. Pour son confrère, c'est aux industriels de jouer le jeu en optant pour un réseau industriel moderne, compétitif et dynamique et pleinement intégré à l'économie mondiale. Mais, note Burundi Eco, ces industriels doutent des compétences du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN, à qui ils reprochent de traîner les pieds dans l'octroi de certificats, ce qui ralentit leurs activités. D'après notre confrère, un technicien du BBN reconnaît une carence d'équipement pour pouvoir tester tous les paramètres dans leurs analyses microbiologiques, si bien qu'ils sont obligés de faire recours à la sous-traitance dans d'autres laboratoires. Au vu de la presse. Le journal Le Renouveau écrit sur la fermeture de certains stands du marché nouvellement réhabilité en Gagara au quartier 3. Ce quotidien constate que beaucoup de stands bien aménagés restaient fermés. Et cela pour des raisons diverses selon les commerçants et le commissaire de ce marché. Ce dernier justifie que cette situation s'explique par le manque de clients. La plupart des habitants de ce quartier s'approvisionnent dans d'autres marchés, ce qui fait que les commerçants manquent de clients et par conséquent, ils ne peuvent pas continuer à travailler sur ce rythme, poursuit Anastasie Sazi, qui reconnaît un manque à gagner à la mairie de Bujumbura, car les propriétaires de ces stands ne peuvent pas payer des taxes, rapporte Le Renouveau. Un commerçant de ce marché témoigne, quant à lui, que des commerçants ont déménagé, mais n'ont pas regagné le marché habituel. L'Office national de la tourbe envisage la production des fertilisants à partir de la tourbe, écrit l'agence burundaise de presse. Selon le directeur général de cet office, parmi les perspectives figure aussi la production des fertilisants pour enrichir le sol à partir de la tourbe. L'ABP rapporte que l'ONATUR collabore avec l'ISABU pour voir l'efficacité et la rentabilité de ce produit, dont la matière première est produite sur 4 sites sur le territoire national, poursuit-il. Pascal Ninghunda affirme dans les colonnes de l'ABP que la production prévue pour cette année s'estime autour de 15 000 tonnes contre 14 000 tonnes produites l'année dernière. Cette quantité est extraite dans les provinces d'Ongo Bururi, Gitega et Mwaro et bientôt Bujumbura. Les clients de l'ONATUR sont entre autres l'armée nationale, étant le premier consommateur, certaines écoles et sociétés privées comme FOMI qui produit de l'engrais, mentionne cette autorité. Rétrécissement vaginal, nouvelle tendance à Bujumbura, s'exclame un blogueur d'Oyag. Pour satisfaire leurs partenaires ou pour des raisons religieuses, les jeunes burundaises recourent plus souvent à des méthodes artisanales pour rétrécir leur sexe. Une certaine Solange Kiledi, mère de 3 enfants, témoigne avoir appris la méthode de mettre l'aloe vera refroidi dans le vagin par le biais d'une tante infirmière. Mais le professeur Salvatore Harerimana, gynéco-obstétricien, prévient « Tous les produits mis dans le vagin changent le pH, mais aussi dénaturent la flore. La seule chose permise pour la toilette est l'eau plate et les seuls produits tolérés sont utilisés pour traiter une infection déjà existante. » Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana et Eline Bel Nibigira. Excellent week-end à tous. Au revoir.